Bonjour auditrices et auditeurs de Dévo Samedi. Et oui, ce n'est pas notre générique habituel parce que tout simplement, errare femminimum est, l'erreur est féminine aussi en plus d'être humaine. Et bien tout simplement, j'ai interverti le CD dans la pochette. Mais c'est toujours les Chaos Tribotes qui vous interprètent cette version de Bella Ciao. Et je pense qu'effectivement, en 1918, oui, effectivement, avec tous ces siècles qui se succèdent, en 1918, c'est ce que chantaient prioritairement les rescapés de la guerre de 14-18, du côté humain, et puis les rescapés aussi du côté, j'allais dire canin, mais c'est pour la rime, mais ce n'était pas que canin, parce que la guerre de 14-18 a fait une hécatombe au niveau des humains, mais elle a fait une hécatombe similaire au niveau donc des animaux. Alors, j'allais presque dire tout animal, parce que tout simplement déjà, ce qui permettait de tracter, puisqu'à l'époque il y avait très peu de voitures, bien sûr il y avait les taxis de la marbre, mais mis à part ceux-là, il y en avait très peu, ou pour les officiels, les gradés, mais sinon, la piétaille, elle allait à pied, et puis elle allait, en faisant tirer son matériel, par justement les chevaux. Alors ça, c'était le côté un peu noble de l'armée militaire française, les chevaux, la cavalerie. Et puis par des bœufs, par les vaches, par des mulets, par des ânes, enfin tout ce qui pouvait tracter. Et bien entendu, quand ils tractaient, ils étaient sous le coup des bombes, des balles, des éclats d'obus, des écroulements, de l'ensevelissement. Donc en fait, ça a été aussi des millions de morts côté animal. Et puis, il se trouve que sur le front de l'Est, puisque la route des Crêtes était la frontière franco-allemande. D'ailleurs, quand on marche le long de cette frontière, enfin de cette ancienne frontière, souvent les sentiers de grande randonnée, un certain nombre d'itinéraires pédestres se trouvent le long justement de cette frontière, parce que qui dit frontière dit aussi contrebandier pour passer entre les Vosges et puis l'Alsace, pour passer du matériel divers, en temps, je dirais, guerre ou pas guerre. Eh bien, on trouve régulièrement des bornes où c'est marqué F d'un côté et D de l'autre côté, des bornes en granit, ce qui signifie tout simplement Frankreich et Deutschland. France et Allemagne, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'allemand, pour le côté Deutschland. Donc, au niveau justement de ce front de l'Est, il y avait toute cette route des Crêtes, d'ailleurs, qui a été construite côté vosgien, parce qu'il fallait un peu en dessous de la crête même, côté vosgien, parce qu'il fallait être à l'abri des regards de l'ennemi, donc des Allemands, qui étaient juste de l'autre côté, qui occupaient donc l'Alsace et une partie de la Moselle, l'Alsace-Lorraine, mais une partie donc de la Moselle. Et cette route des Crêtes, qui est maintenant le fleuron touristique du Grand Est, a son origine de la guerre de 14-18. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, le front se trouvait tout le long, donc depuis, je vous le fais large, depuis le territoire de Belfort jusqu'à la Moselle, et donc toute cette partie-là, c'était vraiment le front, la ligne bleue des Vosges, comme on dit. Et le front est effectivement le plus meurtrier de cette guerre de 14-18, notamment par rapport à des tranchées. Hein, il y avait des fois des tranchées à quelques mètres de distance, sachant que comme l'ennemi, entre guillemets, par rapport à maintenant, l'ennemi était sur cette frontière, avait pu faire certaines tranchées avec beaucoup de fortifications en béton, quelque chose qui tenait la route, et qui surplombait les tranchées françaises, alors qu'ils étaient des gros fossés. Hein, pour certaines, c'était vraiment des fossés. Alors, je ne vous dis pas le carnage, parce qu'effectivement, bah, quand les Français essayaient de monter vers le front, bah, ils étaient tirés comme des lapins. Voilà, donc pour vous camper un peu le décor de ce secteur géographique, parce que nous allons parler des poilus de l'Alaska. Alors les poilus de l'Alaska, eh bien ce sont des chiens. Eh oui, ce sont des chiens qui viennent de l'Alaska, qui viennent du Canada qui à l'époque, en 14 et en 15, n'était pas encore entré dans le conflit mondial. Hein. Ils étaient complètement en retrait du conflit mondial. Ils n'étaient pas encore partie prenante. Et il se trouve que l'hiver 14-15 a été particulièrement dur, notamment dans le massif vosgien, sachant qu'il ne faut pas s'arrêter à l'altitude. Hein, on a à 1000 mètres de différence, c'est-à-dire qu'on plafonne pour aller vite, je dirais, à 1500. Eh bien, c'est comme si on avait la rigueur de 2500 mètres d'altitude, vu la configuration du massif vosgien, avec aussi les vents, etc. Et l'hiver étant particulièrement rude, il s'est trouvé que les animaux qui étaient utilisés pour tracter le matériel, la nourriture, donc des vallées jusque là où, les hauteurs, là où se trouvaient les soldats, eh bien c'était des chevaux et il y a eu de la neige et les chevaux, bah, tout simplement, sitôt qu'ils sont enfoncés dans la neige, le poitrail est quasiment touche la neige, eh bien, ils sont coincés, quoi, ils peuvent plus avancer. Et il se trouve que parmi la hiérarchie militaire qui était positionnée sur ce front de l'Est, eh bien, il y avait des gradés qui avaient fait un peu la ruée vers l'or dans le nord, le continent nord-américain. Et qui avait vu, qui avait pris contact avec justement les moyens de déplacement de cette région dans des lieux très hostiles. C'est un peu la période Jack London, etc. Et ils avaient découvert que le seul moyen de transport fiable et qui coûtait nettement moins cher d'ailleurs que les chevaux, eh bien c'était les chiens. Alors bien entendu, il fallait convaincre la hiérarchie militaire parisienne que, eh bien, on allait abandonner ce noble animal qui était le cheval pour proposer qu'il y ait effectivement des attelages en chien, hein, donc canin, adaptés à la traction canine en milieu hostile, hein, donc et c'est de cela dont nous parlera notre invité, qui est notre historien local côté du musée Serret, donc qui se trouve effectivement à Saint-Amarin. Donc c'est juste quand on redescend du col de Busson, donc on est tout à fait à la limite de ce front de l'Est. Et auparavant, eh bien, nous aurons des illustrations musicales avec cet événement de 14-18. Eh bien, je vais vous proposer deux morceaux de musique qui se font un peu écho, une avant cet entretien, l'autre à l'issue de l'entretien. Eh bien, ce sont des artistes, des petits-enfants, enfin, qui parlent à leur grand-père, à leur façon. Eh bien, tout d'abord, donc Charlie Chopin, Au clair de la lune. Verdun, août 1917. Le sergent Émile Pousset, qui est instituteur dans le civil, écrit une dernière lettre à sa femme Mathilde. La veille, il a perdu son meilleur ami, Pierre, dit Pierrot.

tu m'avais prêté ta plume pour qu'aujourd'hui je puisse écrire un mot. Alors merci, Pierrot. Allô? Oui. Oui, bonjour, monsieur Meny, monsieur Gilbert Meny. Alors, je vous ai déjà présenté comme historien local de cette histoire, notamment de la Première Guerre mondiale, et oui. Sur le secteur où vous vous trouvez, à Saint-Amarin. Oui, tout à fait, oui. Oui. Alors, justement, à Saint-Amarin, il y a un musée, le musée Serré. Est-ce oui. que vous pouvez nous en parler un peu avant d'aborder la question des fameux poilus de l'Alaska, puisque le musée Serré a été largement mis à contribution il y a quelques années. Alors, le musée Serré, pour quelqu'un qui ne le connaît pas, comment vous pourriez le présenter ? Alors, le musée Serré, donc il est situé à Saint-Amarin, dans un ancien tribunal qui a été construit par les Allemands et inauguré en 1912, donc pendant la période d'occupation allemande, après la guerre de 70, hein, 1870. Et donc, il est varié, c'est-à-dire qu'il a une première partie très importante dédiée à la Première Guerre mondiale, mais également deux autres niveaux qui concernent la vie locale, la vie de la vallée de la Thur et de l'Alsace plus généralement, vous voyez. Et c'est un musée, alors notamment je pense aux familles avec des enfants, c'est un musée qui a taille humaine, à taille familiale on va dire. Voilà, on peut le dire comme ça, oui. Et en plus... D'ailleurs, nous travaillons systématiquement avec les écoles, c'est-à-dire nous recevons les écoles pour les faire visiter, pour les faire travailler également sur certains sujets, et nous leur laissons également la possibilité de faire des expositions dans le musée. Et je me souviens d'une remarque que vous aviez faite lors d'un précédent entretien, vous disiez ouais. On leur permet, on les autorise à toucher les choses. Voilà. Ce qui est tout à fait particulier, mais ça permet également aux enfants d'avoir une approche beaucoup plus réelle et plus réaliste des objets. Alors, pour revenir à notre sujet, les poilus de l'Alaska, alors effectivement, l'Alsace était allemande, et il y avait eu donc cette construction, ce bâtiment qui était le tribunal, donc c'était avant la guerre, avant 14, donc le tribunal allemand, enfin disons le tribunal pour la population, quoi, pour un tribunal, quoi. Oui, c'est un tribunal de première instance, si vous voulez. De première instance, donc à Saint-Amarin, oui. Là où se trouve le musée Serré à présent. Et pendant la guerre de 14-18, il y a eu ce tribunal, est devenu alors aussi un hôpital. Comment ça s'est passé ? Voilà, alors c'est une chose tout à fait particulière, effectivement, parce que Saint-Amarin et la vallée de la Thur ont été repris par les Français dès le 7 août 1914. Ce petit secteur, qui n'est pas très loin, en fait, qui a porté le canon du Hartmannswiderkopf, hein, que tout le monde connaît, c'est en fait une base arrière pour les troupes françaises. Or, sur le Hartmannswiderkopf, les combats ont fait rage, évidemment, et ont provoqué de nombreux morts et de nombreux blessés, qui ont, dans un premier temps, été évacués sur un hôpital qui se trouvait à Mauche, qui était un hôpital civil normal, mais qui a été très rapidement débordé. Donc, les autorités françaises ont considéré que le bâtiment, qui est quand même relativement conséquent, du tribunal de Saint-Amarin, pouvait très bien servir d'un deuxième hôpital. Et il a donc été réaménagé, le bâtiment a été réaménagé entièrement en un hôpital complet, c'est-à-dire avec une chirurgie, une radiologie, une pharmacie, etc. Vous voyez. Et donc il a reçu des blessés qui ont pu être stabilisé donc à Saint-Amain et évacué ensuite vers l'intérieur de la France pour le meilleur traitement. Quoi. Alors effectivement, c'est important ces précisions que vous venez de donner, puisque initialement la frontière franco-allemande se situait au niveau du col de Bussan et oui, Saint-Amarin qui se trouve de l'autre côté de la frontière, si on se situe en 14-18, on peut me dire si on se situe aussi entre 40 et 45, mais on va rester sur 14-18, puisqu'il faut descendre le col de Bussan côté alsacien. Donc on a le premier village, c'est Urbès, ensuite c'est Saint-Amarin, ensuite c'est Tannes, et ensuite bien sûr c'est le Milou, c'est plus loin. Mmh. Mais donc il y avait cette poche qui avait été, qui était redevenue française, en, tout près de, ben, des hostilités, puisque le front s'est un peu déplacé, et donc le tribunal, l'ancien tribunal était devenu en comment, hôpital. Et la question, c'est qu'il fallait évacuer, donc il fallait d'une part évacuer les blessés, les morts également, mais les blessés aussi, leur apporter aussi de la nourriture, voire des armes. Et l'hiver, donc comme je disais en début d'émission, l'hiver 14 à 15 a été particulièrement dur. Et il s'est avéré que les moyens de transport, donc notamment avec des chevaux entre autres, ben, s'est avéré complètement inopérant, puisqu'après les chevaux s'enlisaient dans la profonde neige, etc. Et ensuite, eh ben, comment vous... Alors, parlez-nous justement de la suite de ces fameux poilus de l'Alaska. Voilà, alors effectivement, comme vous venez de le dire, les hivers rigoureux et avec beaucoup de neige, et les combats se passant en plus sur la crête, c'est-à-dire entre 1000 et 1200-300 mètres d'altitude, hein, donc les niveaux de neige sont encore plus importants que dans les vallées, et les moyens de transport quand même rudimentaires, même dans les camions qu'on connaissait déjà, ne suffisaient pas et ne permettaient pas, l'état des chemins, on va avoir dit des routes, ne permettait pas de s'approcher des fonds. On a donc utilisé des mulets, mais on s'est aussi aperçu que dès qu'il y avait 50 ou 60 cm de neige, les mulets, ils étaient bloqués là-dedans et n'avançaient plus. Donc l'état-major français a imaginé utiliser des mechères et des traîneaux tirés par des chiens, comme ça se passe en Alaska. Alors les mechères, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont ceux qui guident la personne qui guide. Le mechère, c'est celui qui guide le traîneau. Voilà, l'attelage de chien. Donc vous avez le traîneau avec devant généralement huit chiens. Qui ont une capacité de traction tout à fait importante. Hein. Et donc, les deux officiers français ont été envoyés dans le nord de l'Amérique, en Alaska en particulier, pour aller acheter des chiens qui ont finalement été ramenés avec pas mal de péripéties jusqu'en Alsace. Jusqu'au Breitkirch, notamment, et également du côté du Tannais. Et ils ont été donc engagés sur le front pour ravitailler en nourriture et en munitions les troupes qui étaient sur le front et ramener évidemment les blessés. Et les morts. Justement, donc, mais on va juste le mentionner parce qu'il faudrait plus d'une heure pour en parler. Quand vous dites, effectivement, en plus c'était des centaines de chiens qui ont été amenés, en fait, ça a été une véritable épopée hein, pour effectivement les amener en France. Et ça a fait d'ailleurs l'objet de documentaires, de films et puis de livres dont le musée Serret s'est fait aussi au niveau des livres la transmission de cette épopée. Vous pouvez juste nous en dire deux mots? Oui, il y a eu un film qui a été fait par Arte qui est très détaillé et au niveau des écrits, je n'ai pas beaucoup d'informations. J'ai moi-même parlé dans un livre que j'ai fait sur l'ensemble de cette période-là, Mais sinon, au niveau littérature, je n'ai pas beaucoup d'éléments, je dis. Disons qu'effectivement, comme vous dites, c'est mentionné en fait aussi dans quand on relate la guerre, le front de l'Est. Et alors, est-ce que vous pouvez, votre ouvrage est toujours disponible? Il est malheureusement épuisé. Ah. Ah, c'est dommage. Mais... On en avait imprimé 1000 et ils sont partis en 15 jours, 3 semaines. Eh bien, faudrait peut-être. Alors, vous pouvez peut-être nous donner le titre? Oui, alors c'est La vallée de la Thur, dans la tourmente. Oui, Saint-Amarin et la vallée de la Thur, dans la tourmente. Donc, écrit par vous, donc Gilbert Ménich. Oui, il y a peut-être encore des exemplaires disponibles à la mairie de Saint-Amarin, mais je suis pas sûr. D'accord. Mais parfois, des fois, on peut des fois les retrouver. Par ailleurs, est-ce que vous savez si des fois sur Internet, il aurait été mis en ligne, par exemple, par des bibliothèques, des choses comme ça? Non, je pense pas. Vous n'avez pas connaissance? Non. Bon, ben, ça sera peut-être quelque chose à remédier, mais bon, chaque chose en son temps. Nous sommes en 1915, hein, puisque c'est en 1915 que... Oui, voilà, c'est en décembre 1915 que les chiens, 450 chiens, en fait, sont arrivés ici. Et nous avons donc commémoré en 2015 cette arrivée de ces chiens-là pour leur rendre un peu hommage quand même, parce que plus de la moitié ont été tués, hein, donc il faut quand même le savoir. Et nous avons organisé une grande manifestation en décembre 2015 en faisant venir des attelages de toute la France, et en particulier ceux de Bischwiller, hein, dans le nord de l'Alsace, le club Nanouk, qui était un peu forceur de cette opération, en collaboration avec le musée Serret, bien entendu, qui était le maître d'ouvrage, hein, et le Souvenir français. Le Souvenir français a créé une stèle, un petit monument, hein, sur un morceau de granit, enfin un petit rocher de granit, et un petit décor en inox qui est fixé dessus. Ce monument a été inauguré au musée Serret en présence donc d'une dizaine d'attelages complets, hein, avec chaque fois 8 chiens devant. Des soldats allemands et français bénévoles, hein, en uniforme, et cette selle a été ensuite transportée au Breitfirst sur un traîneau avec tiré par des chiens. Et heureusement, il n'y avait pas de neige et donc le traîneau a été sur roulette, quoi. Oui. Oui, il n'y avait pas de neige le jour de cette inauguration du monument. Je redirai à la suite de notre entretien là où on peut le trouver sans problème. Mais c'est vrai que quand il y a eu la pose de ce monument sur le lieu où il se trouve toujours, en présence de ces... deux compositions militaires, bien sûr, reconstituées par des comédiens, mais des acteurs, enfin des acteurs bénévoles, quand je dis acteurs. Oui, des bénévoles qui célèbrent en fait en permanence ces événements. Hein. Voilà, c'était très touchant parce que on voyait bien, enfin c'était vraiment très très il y avait vraiment beaucoup d'émotions à ce moment-là. Oui, c'était très impressionnant, oui. D'autant que nous avions cherché, j'avais cherché en particulier la possibilité de passer outre entre la rivalité franco-allemande, si vous voulez. Mmh. Et donc on avait fait venir des groupes allemands, y compris des musiciens allemands. Et nous avons fini, en fait, le samedi soir par un concert à l'église de Saint-Amarin, un concert de cours des Alpes, qui a réuni un groupe de Cournimont, hein, qui est dans les Vosges, là, et un groupe allemand qui ont joué ensemble, et nous avions fait ça au profit caritatif, si on veut. Mm. Et ça avait été un grand succès, une grosse émotion. Tout à fait. Et émotion qu'on peut retrouver d'ailleurs en partie quand on se rend sur place, quand on pense à tout ce qui a été enduré, donc, comme je disais en début d'émission, certes par ces millions d'humains, mais aussi par ces millions d'animaux, dont je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monuments qui célèbrent leur souffrance. Et justement, on en a un grâce à toutes vos actions, enfin je dis vous-même bien sûr et toutes les personnes qui étaient actrices de cette commémoration, et c'est important de leur signaler régulièrement. Grâce à vous, eh bien il y a un hommage qui a été rendu à ces poilus de l'Alaska justement. Oui, tout à fait. Donc le monument est en place au Pride Pier sur la route des Crêtes. Là, on le trouve assez facilement. Hein. C'est à proximité du Markstein. Et c'est vrai que c'est important de rappeler que les animaux, pas seulement les chiens, mais les mulets, combien de milliers, peut-être de millions de mulets et de chevaux ont été tués pendant cette période-là. Hein. Tout à fait, non, puisque c'était une réquisition intégrale, côté français comme côté allemand, enfin de toute façon, on faisait feu de tout bois. Eh bien, Monsieur Meny, je vais vous remercier au nom de nos auditeurs pour toutes ces informations. Et puis, je vais indiquer donc comment trouver sans problème, sans difficulté ce monument. Après vous avoir encore remercié, ainsi que le musée Serré, dont je donnerai aussi d'autres informations sur les ouvertures et la localisation. Eh bien, encore un grand merci à vous, Monsieur Meny. Mais c'est moi qui vous remercie d'avoir pris intérêt à cet événement-là. Merci encore à vous. Merci. Simple à Verdun. Eh bien, Stéphane Belin, qui est donc l'auteur et l'interprète de ce morceau, ben, a dit son titre, hein, « Un aller simple à Verdun ». Alors, nous poursuivons justement cette émission un peu spéciale 11 novembre. Elle passera d'ailleurs cette émission d'une part sur Radio Gemuso, donc toujours les samedis, ce qui fait que je n'ai pas modifié le titre, les mots samedis. Et j'espère que ça vous dit aussi à vous. Donc, elle passera les deux premiers samedis du mois de novembre, à savoir le samedi 2 et 9 novembre, donc de 9h de 8h à 9h. Ensuite, en novembre, d'ailleurs, vous pourrez retrouver toujours ce créneau, mais où il y aura donc l'autre émission sur Radio Gemuso, donc Grand Est, Je t'aime en musique, THEME. Hein, donc, ce sont différents thèmes déclinés par des artistes du Grand Est. Et le 16 et le 30 novembre, ben, ça sera les prénoms. Eh oui, parce que j'anticipe toujours, et comme le 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas, et il n'y a pas de raison qu'on ne fête que la Saint-Nicolas. Donc, tous les prénoms, enfin, une partie des prénoms déclinés par des artistes du Grand Est, eh bien, seront disponibles, enfin, seront audibles dans cette émission Grand Est, Je t'aime en musique, THEME. Et puis, émission pour nos autres auditeurs, que ce soit sur Radio Caraïbes Nancy ou tous ceux de la galaxie. Vous pouvez également les retrouver en podcast sur le www.radiogemuso.eu. Et j'appelle Radio Gemuso, c'est radio, bon, je ne vous appelle pas, tout est attaché. Hein. Gemuso, c'est GUEMOZOT.EU. Et sur Radio Caraïbes Nancy, eh bien, vous pourrez retrouver cette émission donc la troisième semaine du mois de novembre, le mardi, première diffusion, le mardi à 18h, rediffusion la même semaine donc à 6h et rediffusion donc toujours dans cette troisième semaine du mois à 15h, le dimanche à 15h. C'est une émission, donc, Les Vos Samedis, qui est sur RCN, dans le cycle Un œil dans le local. Alors, des informations concernant, justement, ce musée Serré. Ce musée Serré sera fermé, donc, du 22 décembre 2004, 2019, j'y arriverai avec toutes mes dates. Et oui, on a terminé le 20e siècle. 22 décembre 2019 et la réouverture aura lieu le 1er mars 2020. Le musée Serré, c'est facile à trouver parce que Saint-Amarin, ce n'est pas très grand. Enfin, ça, c'est une petite ville, hein, mais le musée Serré est au centre de Saint-Amarin. Et le téléphone, c'est le 03 89 38 24 66. Donc 03 89 38 24 66. C'est rue Clémenceau à Saint-Amarin. Et c'est fermé donc le mardi. Donc c'est ouvert les après-midi de 14h à 18h. L'entrée est donc de 3,50 €. 0,50 € par enfant. Donc, et vous avez vraiment des choses particulièrement intéressantes donc, dans ce musée Serré. Ça s'écrit S-E-2-R-E-T. Alors, pour trouver cette fameuse stèle en hommage aux poilus de l'Alaska, eh bien, c'est facile. Toujours facile quand on connaît. Mais alors, je vais vous le faire version estivale et version hivernale. Et oui, parce que il se trouve que c'est sur une portion de la route des crêtes qui est fermée en hiver puisque c'est un itinéraire ski de fond et raquette à cause de l'enneigement. Alors, quand on vient en été, c'est facile. Donc, on vient soit par le Marstein, soit par le col de la Schlurte. Donc, vous arrivez sur cette portion-là de la route des Crêtes, hein, entre la Schlurte et le Marstein, mais c'est vraiment tout près du Marstein. Hein. Et quand on vient du Marstein, en fait, et qu'on va direction la Schlourte, vous avez une route qui part sur votre droite, qui va sur le Schnepfenried. C'est une station de ski, mais côté alsacien. Et après avoir fait donc à l'embranchement, quand vous avez quitté la route des crêtes venant du Marstein, vous faites quelques kilomètres le long de cette route qui se dirige vers le Schnepfenried. Et à ce moment-là, vous avez au Breitfirst, ça s'écrit B-R-E-I-T-F-I-R-S-T, vous avez donc, vous arrivez sur le sommet de la route en quelque sorte, vous avez un parking, donc vous pouvez vous garer, et de l'autre côté de ce parking, eh bien, il y a cette stèle qui a été érigée donc, en honneur aux poilus de l'Alaska, donc ces centaines de chiens venus de l'Alaska. En période hivernale, à partir du Marstein, et bien sûr à partir de la Schlourte aussi, en gros, peu de temps après d'ailleurs la Schlourte, cette route des crêtes est fermée. Mais quand vous êtes au Marstein, en fait, vous avez juste un ou deux kilomètres à faire à pied, en raquette, voilà, à ce qu'ils font, puisqu'à partir du Marstein, toute cette partie-là donc est traversée, traverse la route, traverse les pistes de descente du Marstein. Et vous pouvez continuer donc en ski de fond ou en raquette, enfin, puisque c'est quand même bien damé le long de cette route, vous reprenez l'itinéraire, donc un tout petit peu la route des crêtes, vous reprenez la route direction Schnepfenried et vous trouverez donc également cette stèle. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez rester un peu sur les secteurs, eh bien, mi-parcours entre le Marstein et, je vous dis, ça fait maximum 2 km, tout ça, entre le Marstein et la stèle, donc au Breitfirst pour les poilus de l'Alaska, eh bien, vous avez une ferme auberge, enfin une auberge à la ferme, s'appelle Steinbar, qui fait dortoir, qui fait chambre, il y a aussi des chambres, donc vous pouvez aussi passer une nuit là et puis rayonner dans le secteur. Steinbar, S-T-E-I. Steinbar, B-A-C-H, voilà. Et pour en savoir davantage, vous pouvez vous reporter à la carte 3619-OT, les cartes IGN, cartes de randonnée, Bussan, La Bresse, Ballon d'Alsace, ça va jusqu'au Marstein. Et là, vous aurez toutes les indications sur le papier que je viens de vous donner par radio sur RCN, Radio Caraïbes Nancy, sur RGM, Radio Guémouzo. Donc Radio Caraïbes Nancy, c'est le 90.7 sur le Grand Grand Nancy. Radio Guémouzo, c'est le 107 FM sur le Grand Grand Remiremont. Et je remercie donc d'une part Thomas pour RCN et d'autre part Lia pour RGM pour aussi cette mise en onde de cette spéciale émission Vosges samedi, spéciale 11 novembre. Et nous allons nous quitter avec, comme pour le premier morceau de Charlie Chopin qui faisait plus de 6 minutes, eh bien là, on va encore un peu plus loin. C'est Claude Vanoni, et oui, c'est un sketch qui est très peu connu. Hélas, qui passe encore moins, parce qu'effectivement, il fait plus de 7 minutes. Donc, les radios, on passe 3-4 minutes maxi. Donc, c'est un sketch de Claude Vanoni. Et écoutez bien, parce que c'est justement aussi, disons que la philosophie, enfin plus que la philosophie, on va dire la prise de position, et on va dire comme ça, de Vanoni s'exprime notamment dans les dernières secondes de son sketch, qui au demeurant est fort sympathique. Eh bien, ça s'appelle tout simplement « La guerre ». Claude Vanoni, à bientôt. Eh oui, c'est pas comme pendant la guerre. La vraie, la seule, la grande, celle des bandes molchères, de la musette du bidon et du bleu horizon. Celle de 14, ça c'était de la guerre. J'ai d'abord été incorporé au 170e d'infanterie, pour faire mes classes. Alors là, t'aurais vu, ça m'a dit, j'en ai pas. En avant, marche, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Il savait compter que jusque-là. Repos, garde à vous, repos. Oui, plus de garde à vous que de repos, certes.